Chapitre 23. Joson à la bataille. Il en venait d'autres, en effet. Un nouveau nuage roulait le long de la montée. En même temps, des ombres noires sortaient du bois où le crépuscule du soir s'assombrissait. Si l'apôtre Saint-Pierre avait lancé tout ce monde-là contre nous dès le début, il est certain que nous eussions été écrasés sans possibilité de résistance. Mais le général Bertrand avait mal pris ses mesures, ou bien ses divers corps d'armée arrivaient en retard sur le terrain. Que de grandes batailles ont été ainsi perdues par le hasard. Le général Bertrand était maintenant couché dans la poussière, avec un bras moulu et le crâne fêlé. Il ne donnait plus signe de vie. Il y avait dans ce Joson menu l'étoffe de 2 ou 3 Ajax. Notre position n'était en vérité pas mauvaise, malgré le nombre croissant des assaillants. Il n'y avait plus là que des subalternes, formant un troupeau plutôt qu'un bataillon. La chute de leur chef donnait de l'audace au pillage. Il ne s'agissait plus d'enlever Mademoiselle de Bois-le-Roi, mais de briser la chaise et d'en partager les morceaux. Nous n'avions pas fait encore usage de nos armes à feu. Hermine venait de me dire par la portière qu'elle avait retiré du coffre les 3 paires de pistolets et le tromblon. C'était plus qu'il n'en fallait pour disperser cette sauvage canaille avant la nuit. La nuit, voilà quelle était ma véritable inquiétude. J'ordonnais au vieil écuyer de tourner la chaise, parce que le dessous du pont de pierre vomissait une embuscade de déguenillés portant chacun un lambeau sur le visage. Il avait ses 2 pistolets et Mademoiselle de Bois-le-Roi pouvait lui en fournir de rechange. La seconde attaque eut lieu, comme la première, par la cavalerie. 5 pots de bique arrivèrent sur nous à fond de train en criant et pistolant, mais faisant plus de bruit que de mal. Seulement les fantassins, saboutias, charbounias, chercheux de pain et rôdeurs de bois, se mirent cette fois dans la partie. Notre artillerie joua. Je ne pointais pas mal. Le vieil écuyer fut magnifique de courage et de sang-froid. Mais que dire des prouesses de Joson Menou ? Il faudrait une plume autrement taillée que la mienne pour célébrer les exploits de ce foudre de guerre. Je parlais d'artillerie. Joson Menou ne daigna pas brûler une amorce. Tout debout sur ses étriers et développant sa grande taille maigre, avec le petit taupin entre ses jambes, il semblait haut comme un mât de cocagne. Il tapait, il riait, il causait, il houpait. « Et là, oui, mais, disait-il, ça n'a point la tête dure, ces galops. En faut un demi-cent pour affronter un gars de pain d'or. « Tiens, Charbounias, v'là ton compte. Attrape ça, faillis saboutias. Je n'étais tout de même point fin de vouloir le nailler. Si c'est péché, j'irai à confesse, donc, et la fin du monde après. En campagne comme à la cour, faut tout de même un petit brin d'amour. J'en veux-tu boire ? Fanchette, quand je lui pince le menton, elle devient toute rouge comme un dindon. Voilà l'histoire. Gare à toi, Joson, ils sont 3, attention !» 3 démons noirs comme de l'encre, et ils avaient des perches pour attaquer de loin. J'en abattis un de mon dernier coup de feu. Joson me regarda de travers. « C'était à moi, » me dit-il. « Ce n'est pas de jeu. » Il passa son penbass dans la main gauche pour saisir une des fameuses bottes achetées chez le guenillou et la fit tournoyer autour de sa tête. Elle partit comme un de ses traits que lançait la catapulte antique. Un des sauvages, pris par le milieu du corps, fut fauché du cou et alla donner du crâne contre le tronc du peuplier. L'autre, jetant sa perche, s'enfuit sous bois en hurlant. Nous étions vainqueurs sur toute la ligne, mais les vaincus nous entouraient et la nuit qui venait rendait notre position des plus critiques. Nous les entendions s'appeler dans le taillis. À chaque instant, ils revenaient. Nous recevions à l'improviste des volées de pierre et quelques coups de feu. Je ne saurais dire comment cela s'était fait, mais l'apôtre Saint-Pierre, qui était tombé tout contre la voiture, n'était plus là. On avait dû le traîner derrière la chaise à la faveur de la bagarre. Et là, il avait disparu, soit qu'on l'eût emporté, soit qu'il se fût relevé lui-même. Il y avait du monde derrière le tronc abattu. Le vieil écuyer, qui se battait comme un lion depuis le commencement de l'affaire, et à qui Mademoiselle de Bois-le-Roi avait successivement tendu les pistolets de réserve, étaient serrés de près. Sur la route, du côté de Vitré, les peaux de bique semblaient tenir conseil. Depuis longtemps, déjà, l'on n'entendait plus les gémissements de M. Hédoux de Pélédou. Je m'approchai de la portière et je dis « J'espère qu'il n'est point arrivé malheur ici. »« Nous sommes sans blessure, » me répondit Hermine. « Mais il n'y a plus ni poudre ni balle, et je crois que mon oncle a perdu connaissance. » Je tâtais le gros homme pelotonné dans son coin. Il était bien chaud, mais il ne bougeait plus. « Mademoiselle, » repris-je, « il faut tenter un effort pendant qu'il nous reste une lueur de jour. Mon valet va tourner l'attelage, et nous essayerons de faire retraite vers Vitré, puisqu'il est impossible de continuer vers Paris. »« La route est-elle libre ?»« Non, certes, mais j'irai avant avec le tromblon, et je ferai feu à 10 pas sur le groupe qui barre le chemin. Ces gens-là sont les seuls qui soient montés. Les autres ne nous embarrasseront pas, puisque nous sommes 3 cavaliers pour escorter le carrosse. » « Mon oncle, mon oncle !» fit Hermine au lieu de me répondre. Monsieur Hédoux de Pélédoux ne donna point signe de vie. « Est-ce que vous n'approuvez pas mon projet, mademoiselle ? » demandai-je. « Si fait, monsieur le chevalier, de tout mon cœur, et que Dieu vous récompense. Mais il nous faut mon oncle pour l'exécuter. » « Pourquoi cela ? Je ne devinais pas en vérité à quoi pouvait être bon ce brave homme. » « Le tromblon est une invention, » me dit Hermine. « Monsieur Lecker a déjà voulu le décharger. Il n'a pas pu. Mon oncle !» Il paraît que la détente a un secret pour que les ennemis ne puissent pas en abuser. Le bon oncle ne bougeait pas et plut à Dieu qu'il eût dormi sa grasse nuit. Si le lecteur s'étonne de cette conversation paisible qui avait lieu entre mademoiselle de Bois-le-Roi et moi en un pareil moment, je puis mettre fin à sa surprise en 2 mots. Nos assaillants n'avaient plus de chef, ou du moins leur chef ne pouvait plus payer de sa personne. Nous étions un peu dans la position du capitaine Cook et de ses matelots, entourés par les naturels de l'île Sandwich. L'aventure était alors toute récente, et j'y songeais malgré moi. Dans ces cas-là, et toutes les fois qu'il s'agit de sauvages, on est attaqué par soubresaut, sans qu'on puisse assigner de motif aux accalmies, ni au redoublement de la tempête. Ici, d'ailleurs, chaque minute qui s'écoulait travaillait pour nos ennemis. L'obscurité qui arrivait à grands pas allait combattre en leur faveur et devenir leur plus terrible auxiliaire. Je crois que j'aurais tenté la retraite, même sans le secours du tromblon perfectionné de ce malheureux monsieur Hédoux de Pélédoux. Mais Hermine ne se découragea point. Elle tapa dans les mains du bonhomme tant et si bien qu'un soupir d'éléphant souleva sa poitrine. « Va-t-on souper ? » demanda-t-il. Mais l'angoisse le ressaisit tout de suite et il ajouta « Sommes-nous sauvés ? » « Est-ce que j'ai reçu beaucoup de blessures ? Je ferai un pèlerinage à pied, malgré ma goutte, ou tout au moins à cheval. »« Mon oncle, » dit Hermine, « voici notre défenseur. Enseignez-lui le secret pour qu'il se serve de l'espingole. » En ce moment, un bruit tumultueux se fit à droite et à gauche de la chaise. « Arrivez, tas de marsouins ! » cria Joson. « Si je ne l'avais pas rue, je n'y verrais goutte, mais ventre bleu !» Je vous avise en pleine nuit, comme si c'est que j'aurais des yeux de chat dans ma tête. Arrivez, arrivez, c'est moi que je m'amuse. Le gros oncle venait de prendre l'espingole dans ses mains qui tremblaient. Une volée de pierres arriva, dont plusieurs m'atteignirent. Il en tomba une grêle sur la chaise, dont les parois sonnèrent. Je m'élançai pour faire face aux assaillants, et j'entendis la voix épouvantée d'Hermine qui criait « Prenez garde, mon oncle !» « C'est Monsieur Lecker !» Une explosion formidable retentit. Puis la voix d'Hermine encore. « Miséricorde, vous l'avez tué !» Ce fut le signal d'un assaut général. Jamais clameur plus hideuse n'assourdirent mes oreilles. J'avoue que je n'avais plus mon sang-froid, parce que Mademoiselle de Bois-le-Roi appelait au secours. Il ne restait personne pour défendre le côté droit de la chaise. Le tromblon à secret, qui était une invention, avait couché M. Lecker, raide mort et troué comme une écumoire. Les peaux de bique étaient revenues, et d'autres, car je fus attaqué par un diable qui avait un lambeau de soie noire sur la figure et qui était habillé en presque gentilhomme. Dans les ténèbres, et malgré la bonne garde que Joson faisait à mon flanc, Charbonias et Saboutias s'étaient glissés en passant par-dessus l'arbre. Les traits des chevaux étaient coupés. Il n'y avait plus de retraite possible. Mon épée se brisa dans ma main. Je saisis un de mes pistolets vides par le canon et cela me servit un instant de casse-tête. Mais ils étaient trop. Mon cheval se cabra, frappé au ventre par un coup de faucille. Deux paires de grosses mains m'empoignèrent par la botte et me lancèrent de l'autre côté de ma selle. Je n'eus pas même la consolation de voir les deux coquins assommés par le gros bout de Joson. En revanche, je vis l'homme au lambeau de soie chanceler et tomber juste au moment où, profitant de ma chute, il allait me mettre sa lâche épée dans le ventre. Un coup de feu venait de retentir. J'eus comme une vision dans la nuit. Il me sembla que l'Amazone de la forêt de Rennes se penchait au-dessus de moi avec son petit fusil tout fumant. Je ne crus pas à cela. Le sens m'abandonnait. J'étais littéralement criblé de contusions et de blessures. Le dernier son que j'entendis comme en rêve fut un cri répété des deux côtés de la route. « Égayez-vous, les gars, à la déroute ! V'là le monde qui s'en revont de l'assemblée du Mimet !»